De vivre une vie sans souci, je rêve mais ne touche pas, je vis mais les jours ne me donnent plus envie. La nuit dernière j'ai rêvé du paradis, un monde dans lequel l'ennemi devient ami. Un lieu si beau, je l'avais jamais vu. J'ai voulu y rester mais j'ai pas pu. J'ai vu ma famille, ceux qui m'ont précédé. J'ai vu Yasser Arafat qui l'a même nié décédé. Ils m'ont dit que c'était trop tôt pour que je les rejoigne. J'y vivrai un jour mais du bon chemin faut pas que je m'éloigne. Ils m'ont dit que ma mission vient de commencer, que je baisse pas les bras et que je continue d'avancer. Ce rêve m'a longtemps fait réfléchir sur mon passé, mais surtout sur mon avenir. Car y'a longtemps que j'en ai marre de me taper. La vie m'a sonné et je me suis mis à la frapper. Les bons murs tôt, c'est ce que j'ai entendu. Mais si c'est vrai, je l'ai jamais su. Le jour de ma mort, dédiez-moi une fatiha. Ne soyez pas triste, car je serai mieux là-bas. Paradis, paradis, ouvre-moi tes portes. Si je pars bientôt, dites à ma mère qu'elle soit forte. Dites-lui de ne pas verser de larmes. Dites-lui de garder son sourire, son charme. Car je pars pour un monde mille fois mieux. On se reverra un jour, je vous dis adieu. J'ai eu ce rêve de m'évader d'ici. J'ai eu ce rêve de vivre une vie sans souci. Je rêve mais le cauchemar je vis mais les jours me donnent plus envie. J'ai eu ce rêve de m'évader d'ici. J'ai eu ce rêve de vivre une vie sans souci. Je rêve mais le cauchemar je vis mais les jours me donnent plus envie. Paradis, paradis, endroit idyllique. Certains pour y arriver font des comas éthyliques. Quoi que tu fasses, tout le monde y passe. Essaie de te repentir, t'auras sûrement pas ta place. T'as fait le mal tout au long de ta vie. L'endroit où t'iras est encore pire qu'ici. La rédemption n'est pas donnée à tout le monde. Fais preuve de compassion et reste dans la ronde. Le jour où je partirai, j'espère une seule chose. Que mon rap n'est pas servi à rien, mais à des causes. Vivre le plus longtemps possible. Vivre comme dans un livre, c'est plus qu'impossible. Toute notre vie, on veut suivre le droit chemin. Trop sont à la dérive, trop ne verront pas demain. Six pieds sous terre, puis paradis ou enfer. Selon ce qu'ils ont pu dire ou ce qu'ils ont pu faire. Le jugement vient de beaucoup plus haut. Tu te rends compte que tu te mens, fallait y penser plus tôt. Ouvrez-moi les portes, les heavens d'or. Le jour de ma mort, dites-vous que je dors. J'aimerais simplement pas mourir comme un porc. Ni regret, ni larmes, ni haine, ni remords. Le paradis, l'endroit où j'aimerais finir. Y'a encore du boulot, mais j'espère y parvenir. J'ai eu ce rêve de m'évader d'ici. J'ai eu ce rêve de vivre une vie sans souci. Je rêve, mais le cauchemar, je vis, mais les jours me donnent plus envie. J'ai eu ce rêve de m'évader d'ici. J'ai eu ce rêve de vivre une vie sans souci. Je rêve, mais le cauchemar, je vis, mais les jours me donnent plus envie. J'ai eu ce rêve.